Chapitre 2. Dans l'après-midi du surlendemain, les deux sœurs prirent l'autobus de Valoris à Cannes. Gemma était convoquée au grand hôtel pour 5 heures. Mao avait décidé de l'accompagner. « Cela me distraira, et puis je verrai la tête de cette dame. » Gemma pensait aussi que le plaisir de se trouver ne fût-ce que quelques instants dans un milieu luxueux, entrer pour quelque chose dans cette décision. Elles longèrent la croisette à cette heure fort animée. On les regardait beaucoup. Même dans leur simple robe de demi-deuil, les deux sœurs n'étaient pas de celles qui passent inaperçues. Comme elles entraient au grand hôtel, un jeune homme brun, au teint un peu bronzé, les croisa, et Gemma vit de sombres yeux qui la considéraient au passage, discrètement d'ailleurs. Il monta dans un élégant cabriolet qui démarra aussitôt. Le portier pria les jeunes filles d'attendre dans le hall tandis qu'il téléphonait à l'appartement de Madame de Camparène. Puis l'ascenseur les mena au second étage. Une jeune femme de chambre les introduisit dans un salon où se trouvait un homme âgé qui se leva à leur vue. Il allait leur adresser la parole quand, d'une pièce voisine, surgit une femme vêtue de velours noir. Une vieille femme, en dépit du fard savamment appliqué. Un visage dont l'âge avait déformé les lignes qui devaient être belles naguère. Une allure aristocratique, de la souplesse encore, dans ce long corps maigre. Mademoiselle Gemma de Fonteyan, des yeux clairs, scrutateurs, regardaient alternativement les deux sœurs. « C'est moi, madame !» Madame de Camparène s'assit en désignant un siège aux arrivantes. Le vieux monsieur avait repris son fauteuil près d'une table où des revues voisinaient avec un nécessaire de fumeur. Il s'agirait, mademoiselle, ainsi que je l'ai indiqué dans mon annonce, d'instruire mes deux arrières petites filles, 7 et 9 ans. Mais peut-être une licenciée en histoire trouvera-t-elle la tâche un peu simple pour elle ? Mais non, madame, j'aime beaucoup les enfants et je serais heureuse de contribuer à l'éveil de toutes jeunes intelligences. Tant mieux, car de mon côté, j'aimerais voir près de Joyce et d'Aubert une personne de bonne éducation et de très bonne famille. Or, mon mari... Elle tourna la tête vers le vieux monsieur. Qui connaît la généalogie de toute la noblesse du midi de la France, m'a dit que les Fonteyan étaient une des plus anciennes familles du Dauphiné. C'est exact, madame, mon père en était le dernier descendant mâle. Ma sœur et moi restons seules héritières de ce nom. Le regard de madame de Camparène se posa sur Mao, s'y attarda un moment. Puis la voix un peu brève, au léger accent anglais, reprit « Si cette situation vous convient, il sera, je pense, facile de nous entendre. Vous me dites, dans votre lettre, que vous parlez l'anglais et l'italien. Couramment ? Oui, mon père possédait parfaitement la première de ces langues et ma mère est italienne. » Monsieur de Camparène dit, avec un accent d'intérêt, « Cela explique votre prénom. De quelle partie de l'Italie ? Du Milanais. Elle est une Pazzini. Et très ancienne famille aussi. Mais un Pazzini a épousé une Camparène au siècle dernier. Giorgio Pazzini. C'est possible, mais je suis peu au courant de ma parenté maternelle. Ma mère, très jeune, s'est trouvée orpheline et elle avait conservé peu de relations avec ses cousins. » Mao interrompit vivement. « Je l'ai entendu un jour parler d'un oncle Giorgio qui était très musicien. Elle disait que je tenais ce don de lui. « Ah, vous êtes bonne musicienne, mademoiselle !» Mao eut pour madame de Camparène son plus charmant sourire en répondant « C'est l'unique chose qui me plaise, la seule où je sois capable de réussir, de moins mes professeurs me l'assuraient. Mais que faire seule, sans relation ?» Me voilà réduite à donner des leçons dans une institution de jeunes filles. » De ses longs doigts aux ongles brillants, Madame de Camparène tourmentait le face-à-main, suspendu à une chaîne de platine ornée de rubis. Ses yeux d'un bleu pâle, un peu saillants, ne quittaient pas Mao. Elle semblait réfléchir. Son mari considérait Gemma avec un intérêt accru. Il demanda « Votre père ne serait-il pas Hector de Fontaillan qui a écrit quelques très intéressants ouvrages historiques ?»« C'était lui, en effet, monsieur. »« Ah, très bien, très bien. » De fait, M. de Camparennes paraissait enchanté. Il avait une physionomie assez sympathique, de beaux cheveux blancs, un visage ridé où le menton et la bouche indiquaient une âme faible. « Peut-être vous intéressez-vous aussi à ce genre de travaux ?»« Beaucoup. Du reste, j'aidais parfois mon père pour ses recherches dans la dernière année de sa vie. »« Mais c'est parfait. Cynthia, ne pourrions-nous pas arranger quelque chose ?» Détournant son regard de Mao, Madame de Camparennes demanda « Quoi donc, mon ami ? L'instruction des enfants, à cet âge, ne prendra pas beaucoup de temps à Mademoiselle de Fontaillan. Il serait peut-être possible qu'elle me réservât quelques heures dans la semaine pour m'aider dans mes travaux, avec un supplément d'émolument, bien entendu. Je n'y vois, pour ma part, aucun inconvénient. À vous de dire, mademoiselle, si cet arrangement vous conviendrait. » « Je m'occupe d'écrire l'histoire des vieilles familles provençales, » expliqua le comte. « J'ai bien un secrétaire, mais il ne vaut rien pour les recherches dans les archives, et moi, à mon âge, parfois malade, je puis difficilement les faire maintenant. S'il vous était possible de me suppléer sur ce point, mademoiselle... »« Mais très volontiers, monsieur, tant qu'il vous plaira. » La satisfaction parut dans les yeux du vieillard. « Me voilà tout à fait enchanté. Je vous montrerai les très intéressantes archives du château de Brussolles, notre demeure. » Madame de Camparennes l'interrompit. « Et moi, je pensais à un autre arrangement. » La porte du salon fut ouverte à cet instant. Le jeune homme brun, croisé tout à l'heure par les deux sœurs, entra, eut un léger mouvement de surprise, salua, puis s'adressa à Madame de Camparennes. « J'ai oublié votre lettre pour Laetitia, grand-mère. » La comtesse désigna une enveloppe posée sur une table. « La voici, Salvatore. » Il prit la lettre et sortit. Gemma avait rencontré encore le regard de ses yeux sombres, très beau dans le visage au net dessin. Madame de Camparennes reprit. « Mes petites filles ont commencé l'étude de la musique avec leur gouvernante anglaise, qui vient de les quitter pour soigner une anémie persistante. Du reste, elles n'auraient pu les mener bien loin. Joyce, l'aînée, paraît très douée. Elle tient cela de son père, mon petit-fils Lionel, musicien remarquable. Or, mademoiselle, elle s'adressait à Mao. Peut-être envisageriez-vous sans déplaisir de venir, vous aussi, à Bruxelles et de faire l'éducation musicale de ces enfants, ainsi que de me tenir un peu compagnie, de me faire la lecture. » La physionomie de Mao témoigna du plus vif contentement. « Certes, madame, je ne demande pas mieux. » « Eh bien, nous allons convenir de tout cela en prenant le thé. » Madame de Camparennes sonna, donna un ordre à la jeune femme de chambre. Celle-ci reparut peu après, apportant un plateau. Mao et Gemma, sur l'invitation de la comtesse, servirent le thé. Après quoi, Madame de Camparennes énonça le chiffre, très large, des émoluments qu'elle offrirait aux deux sœurs et qu'elles acceptèrent aussitôt. « Nous habitons toute l'année notre château de Brussolles dans la montagne, » expliqua-t-elle. Vous déjeunerez avec les enfants, mais dînerez avec nous. Pour ce repas, nous prenons la tenue du soir, selon la coutume anglaise. Nous nous y conformerons, dit Gemma. Très bien, nous sommes encore pour toute la semaine ici. Convenons donc que j'enverrai une voiture vous chercher dans 15 jours. Oh, certainement, répondit Mao d'une voix joyeuse. N'est-ce pas, Gemma? Oui, je pense que nous pourrons être prêtes pour ce moment-là. » Le ton réservé de la cadette contrastait avec l'allégresse que l'aînée ne pouvait dissimuler. Madame de Camparennes eut un rapide coup d'œil, curieux, scrutateur, vers le visage aux lignes pures, au profond regard. « Habitez-vous Valoris depuis longtemps ?»« Seulement depuis la mort de notre père, c'est-à-dire 18 mois. Mais la grand-tante chez qui nous vivions est morte et sa villa va être vendue. Oh, je pensais que vous viviez avec votre mère. Notre mère est remariée, dit brièvement Gemma. Ainsi vous êtes libres, tout à fait libres, toutes les deux ? Complètement libres, dit en souriant Mao. Je suis majeure et Gemma le sera l'année prochaine. Il parut à Gemma qu'une lueur de satisfaction passait dans les yeux froids de la vieille dame. « J'espère que vous vous plairez à Bruxelles, » dit-elle, avec, elle aussi, un sourire sur ses lèvres minces et fardées. Un bizarre sourire, sans charme, sans douceur. « L'été y est fort plaisant, l'hiver a ses agréments. Avez-vous fait du ski ?»« Non, jamais, » répondit Mao avec regret. Nous avons voyagé dans le Dauphiné un été avec notre père et une autre année dans les Pyrénées. C'est tout. Ah, vous ne connaissez donc pas nos Alpes-Maritimes, nos admirables vallées du Var, de la Tinée, de la Vésubie ? Demanda M. de Camparennes. Hélas, non. Vous en aurez ainsi tout le plaisir. Bruxelles se trouve en pleine campagne, proche de la vallée de la Tinée. Ce fut autrefois une demeure féodale. Elle appartenait à une famille seigneuriale de Provence dont la dernière descendante épousa, vers la fin du XVe siècle, un comte Camparini venu de Toscane. Plus tard, le nom francisé devint Camparennes. Et vous trouverez chez nous une comtesse Camparini de la branche demeurée italienne, ajouta Madame de Camparennes. C'est une savante spécialisée en chimie, ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, d'être une parfaite femme du monde. Peu après, les deux sœurs quittaient le grand hôtel. Mao exultait, vantait la fabilité du vieux comte, la mine de grande dame de la comtesse. Et ils paraissent nous traiter comme des égales. D'ailleurs, si vraiment un Pazzini a épousé une Camparennes, nous leur sommes un peu parents. « Oh, c'est bien lointain !» dit Gemma. Elle ne s'associait pas à l'enthousiasme de sa sœur. Cette situation, qui eût dû combler ses vœux, elle l'envisageait avec une singulière appréhension. Pourquoi ? Eh bien, le plus étrange, c'est qu'elle ne pouvait pas se l'expliquer. Madame de Camparennes lui déplaisait, certes. Il y avait dans cette physionomie, dans ce regard, une froideur, plus que cela, parfois, une sorte de dureté assez désagréable. Mais elle n'avait témoigné aucune morgue à l'égard de ces jeunes inconnus qui seraient, bientôt, les institutrices de ses petites filles. Mao disait même vrai, elle les avait traitées presque à égalité. Ainsi donc, il n'existait pas de raison pour éprouver cette vague angoisse au seuil de cette nouvelle existence qui leur était offerte, dans des conditions telles qu'elles n'eussent pu les espérer. Près d'elle, Mao continuait de parler avec animation. Elle disait « Je me demande si le père des petites filles est veuf. Probablement, puisque c'est leur grand-mère qui paraît s'en occuper. Et c'est un autre petit-fils, celui qui est entré tout à l'heure. Il est très bien. » Des rêves s'ébauchaient déjà, des visions de richesse et de plaisir surgissaient devant les yeux éblouis de Mao.